Québécois, en collaboration avec Desjardins, vous invite à rencontrer les jeunes artistes en théâtre, chanson, musique, conte, danse et cirque. Des artistes venant des quatre coins du monde nous souffleront un vent d'espoir et de créativité du 1er au 17 avril prochain. Vue sur la relève, 15 soirées et 5 lieux de diffusion, 50 découvertes. Informations, vuesurlarelève.com. Musique Plus présente en collaboration avec l'École des technologies supérieures. Va te faire voir! La 5e édition de la finale nationale d'Université en spectacle! Sous la présidence d'honneur de Rémi-Pierre Paquin, viens encourager les talents de 11 universités québécoises! Les samedis 3 avril, dès 19h30 au Théâtre Corona, à Montréal. Les billets sont en vente sur le réseau émission et pour plus de renseignements, visitez le univers-cité-en-spectacle.com! Va te faire voir! Vous écoutez Choc FM. Secondes, je veux... 3 secondes, Bruno. 2, 1, Bruno. Ah, bonsoir en manchette ce soir. La 15e maîtresse de Tiger Woods dit OK dans la bouche, OK dans la plot, OK à 3, mais pas dans le cul. Vous écoutez 70%. Sans bon sens, je donne le minimum. Je me sens comme un vrai homme, je file comme un pomme au maximum. 70%, c'est surtout Simon. Simon, il est bon, c'est lui le patron. Simon, Simon, Simon, Simon. Oh oui, moi, Simon, Simon saumon, c'est moi le poisson. 70%, 70%, 70%, 70%. C'était moi ça. C'était Bruno. Ouais. Mais en fait, t'as même pas eu ton indicatif encore. Non, c'est ça. Check, gars, juste d'y penser, je suis crampé. Hey, c'est 70%, c'est Stewart Copeland dans le background. Ça, c'est Summer Forest, la première toune de Spyro The Dragon 2. Il avait fait la trame sonore après d'avoir été le drummer. Puis après ça, il a fait Oyster Head. Tellement de belles choses. Toi, Israël, c'est quoi qui t'est arrivé cette semaine? J'ai été voir la lutte encore pour la deuxième fois, puis je vais vous re-raconter la lutte, mais d'un angle différent cette fois. Je vais vous parler de la tristesse qu'il y a à la lutte. Il y a un dossier continu. Ouais, puis je vais vous parler des Chevaliers de Colomb par la même occasion. Vous allez voir, tout va se croiser. Criss-cross. Ah, c'est bon ça. Mm-hmm. On a reconnu Evelyne Potvin-Cloutier. Bonjour. C'est de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, toi? D'émotion aussi. D'émotion, ouais. On est vraiment. C'est la fin fou. Du mois de mars. Ouais, je vais vous parler d'Annie Dufresne. Là, ça fait trois émissions en ligne que j'en parle. Après ça, c'est fini. Une dame du monde, elle n'est pas jalouse, on le rappelle. On crève ça après ça, je ne veux plus rien savoir. Puis si ça vous tente, on choisira est-ce que une ça page va être... de Normal Amour. Ah, ben c'est sûr que ça nous tente. Est-ce on demandera à Elisabeth de choisir un numéro vu qu'elle ne voulait pas parler. Ouais, on va être obligé de dire un numéro. Ouais. On va pas nous le mimer. Il fera lire, sinon. C'est Normal Amour, là. Ça peut pas s'enfarger. Ah non, mais sinon, est-ce que tu vas nous parler d'Annie Dufresne, la grande romancière, ou la musicienne talentueuse, l'actrice accomplie? Toutes ses femmes facettes. À la fois? Toutes ses facettes à la fois. On est vraiment l'étiquette au cœur de bière. Toutes ses facettes à la fois. On dit modèle professionnel, Bruno. Alors, on en parle-tu, mais on n'en parle pas, là. Non, c'est bon. OK. Ici, dans la salle, on lève la main ceux qui n'ont pas couché avec Tiger Woods. Donc voilà, c'est réglé. Je l'admets. Elisabeth, toi, tu vas nous parler de quoi? Rien du tout, je viens juste écouter. Et voilà. Parce que ça marche pas de chez eux. Pas vrai? Ouais, elle peut pas l'écouter. Il faut qu'elle vienne ici maintenant. Ça va tout être ça. C'est correct. Tant mieux. Il faut les payer, ces factures-là, de Belle Sympatico. Parce que sinon, comment ils peuvent te renvoyer de la publicité pour que tu retournes te réabonner? Ah, c'est ça. Hey, Étienne Forêt, y a-tu une thématique à ton... Ben, la semaine passée, j'ai laissé beaucoup de place à nos super invités parce qu'il y a plein de choses à dire intéressantes. Oui, ça c'est... On avait des invités la semaine dernière. Ben, oui. Ah oui! Et Claude Arnett et Richard Z. Serrois. Mais sinon, j'ai pas eu le temps de faire mes adieux à l'hiver, donc c'est aujourd'hui que je fais ça. Puis j'ai deux, trois autres personnes. Et, hein? C'est mon vous reconnaissez ma vie, Anna. Ta gueule! Tu l'auras pas à ta place, Simon, c'est moi qui l'ai. On verra ça. Ok, vous pouvez continuer. on se ramasse toujours par couper Étienne Forêt, c'est pas juste. Je l'aime pour ça, tu sais. Non, mais. Fait qu'il y en a long encore à discuter depuis la semaine passée. Moi, le film qui a été choisi, c'est l'excellent Evan Lurie dans le rôle de Cyborg, dans le rôle de Force T. Avec Jack Scalia et Vernon Wells. Vernon Wells est écrit sur le dessus. Il meurt à la 25e minute dans une explosion d'hélicoptère. Ah. Mais c'est parce que c'est l'acteur le plus connu. Oui, c'est celui qui jouait Bennett, le moustachu méchant dans Commando, qui se fait planter un tuyau dans le ventre. Ah, mais dis-le pas qu'il est méchant parce qu'on l'apprend pas avant la 20e minute du film, ça. Ouais, non plus. Ben, en fait, on l'apprend vers la 5-6e minute qu'il est méchant. Ah, quand même. Non, on pense qu'il est mort au début, ça. Ah non, ça c'est dans Commando. Ouais, c'est ça, je parle Commando. Ah non, mais là, moi je parle de Force T. C'est ça, mais tu viens de gâcher un punch de Commando en parlant de Force T, c'est ça que je te dis. Puis là, en essayant d'expliquer, mais là, t'as gâché le punch de Force T. Il dit à peu près au début, il dit Bennett, je t'ai cru mort. T'as mal cru. Puis là, il l'assomme. Puis après ça, il passe le deal, il sait que Bennett est méchant. C'est vrai. Il sait que ça va être avec lui qui va le plus en baver, sale connard. Ouais, c'est ça, en tout cas. Hey, pour ramener la petite paix ici, parce qu'on a du Stewart Copeland hallucinantant en arrière, là, on va écouter. C'est Jeremy Camp. C'est un gars aux États-Unis qui a fait fortune avec une guitare acoustique et une passion sans borne pour Jésus-Christ. J'adore ce qu'il fait. Ça doit. C'est très bon. Sure. C'est pas du tout plus point 2. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Il y a un bout que peut-être. C'est original, ça, en tout cas. T'es vraiment pas à l'écoute de tes chakras. Ouais, ouais. Non, mais imaginez Jésus vous envahir, là. Jésus fait des invasions de domicile. When I rise in the morning. When I rise. In the morning, when I rise, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world. Give me Jesus. When I am alone, when I am alone, oh, when I am alone, give me Jesus. When I come to die, oh, when I come to die, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, just give me Jesus. C'est à ton tour, oui, de te laisser parler d'amour. Et quand ce jour, les gens autour, oui, te parlent encore d'amour. Joyeux anniversaire, Tommy Godet. Tommy Godet. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Alors. Ah! Non, on va pas toutes les mélanger. Voilà. Alors, l'amour puis tout, là. Les gardes de la prison de Kissenberg à Malmö en Suède on accuse un prisonnier de délibérément péter près d'eux en signe de protestation contre la vie au pénitencier. Anders Eriksson, le directeur de la prison, affirme que les épisodes répétés du prisonnier étaient une série d'attaques concertées contre les employés. La lumière a été faite sur les motifs apparents du prisonnier il y a quelques semaines alors qu'il jouait aux cartes avec ses amis. J'avais mal à l'estomac et je ne voulais pas péter là. J'ai décidé d'aller près des gardes à la place, a affirmé le bagnard de 21 ans aux autorités de la prison. Questionné sur son comportement, il aurait ajouté que les pètes n'étaient que son et sans fragrance. Il a reçu un avertissement officiel le prévenant que tout comportement flatulent envers les gardiens serait puni. Pète muet sans mauvais, pète sonore, inodore. Voilà, tel que cité dans la cas de monsieur contre les gardiens de sa prison. Maintenant, il y a de la jurisprudence de ça. Mais non, mais je me suis vanté tout mon secondaire, moi, que mes pets n'avaient pas d'odeur et que je pouvais me permettre de les faire quand je voulais. Mais Bruno a dit une phrase très sage l'autre fois. Si notre marde sentait réellement mauvais pour nous, ça serait très difficile d'exister. Mm-hmm. Ou très l'adage pas très sage, là. Les pets, c'est comme les enfants, on aime juste les notes, là. Moi, en tout cas, les amis, je vous souhaite de reposer en paix. Hey, merci Bruno, t'en joues-tu une autre? Hein, d'accord, hein? D'accord. Attends un petit peu ça, je vais garder un bloc pour faire ça tantôt. Ah oui, tu vas l'aimer celle-là. Taj Showers de Niles en Illinois était au cinéma avec son fils lorsque son téléphone a sonné. Elle a alors décidé de répondre en se penchant pour avoir une conversation discrètement. C'est alors qu'un bras de chaise s'est abattu sur sa tête, causant une commotion cérébrale. Elle a été transportée à l'hôpital en ambulance. Mercredi dernier, elle a affirmé qu'elle souffrait toujours de visions embrouillées et qu'elle avait dû quitter l'école suite à cet incident qui s'est déroulé en 2008. Elle demande une somme non spécifique pour les dommages et intérêts, alors qu'on lui a demandé si elle y penserait à deux fois avant de répondre au téléphone parce que ça pouvait déranger les autres cinéphiles. Elle a répondu « Je me suis penché pour ne pas les déranger. » C'est voilà. Bien moins dérangeant quand la personne est penchée. Seul, le bruit. Voilà. OK. Voilà. « God damn » a répondu l'officier. « Hey, voyons donc. » Puis elle réclame des droits à qui, là? Au cinéma. Au cinéma, ben oui. Pour, ça, ça veut pour dire... négligence. Ça, franchement. Ça veut dire que bientôt... Les qui tombe de même, ça peut te tomber sur la tête n'importe qui. OK, ben moi, je voyais genre quelqu'un de tannant en arrière qui donnait une tape là, pour lui envoyer un message. Ouais. Mais sûrement que ça va être full caution à cette heure. Mon téléphone sonne. Et voilà, on est à la radio. C'est encore la personne qu'on connaît pas. Tellement professionnel. Je vais me pencher pour répondre. Non, mais répondez en nombre. Baisse le micro. Assez penché. Oui, ça va? OK. C'est intriguant. Oui, oui, on était en onde en fait en ce moment. Là. Non, j'essaie de voir ce qu'il dit sur le... là-dessus. Parle plus fort, David. Parle plus fort. Non, ça va pas. Mais quel... Ah, voilà. Oui, hein, ça te va bien. On le trouve beau, hein, David, en ce moment? Ben oui, ouais, c'est mal. Ouais. David qui? Il y a même un jury. J'aime ça. Ben oui, on est tous là. On devrait voter sur les voix à chaque semaine. Fait que tu t'en viens-tu, là? Je vous rejoins pour de vrai tantôt. Parfait. Bon, on est à choc jusqu'à 8. De corps dans environ une demi-heure, 40 minutes. Je vais arriver à la fin. Je suis en train de terminer des trucs que je ne dirais pas parce que si je suis enregistré, ça pourrait me poser des problèmes légaux. Ça a du rapport avec une grève étudiante? On peut tirer de malaise. OK, bon, ben on t'attend, on est à choc jusqu'à 8h30. N'oublie pas d'acheter du lait, là. Tu me rappelles si tu te perds. OK. Salut. C'est qui ça, David et Noé? C'est quoi, c'est David Sedd, ça? On vient d'avoir un scoop? Oui, oh! C'est David Sedd. Wow. Vous ne l'avez pas entendu sur nos ondes en premier. Non. Ah, il y a Kate qui vient d'arriver aussi. On a comme plein d'amis à soir. C'est fou, hein? Hey, Étienne, moi, je baisse le mien, puis je monte le tien. C'est bon. À partir de là, t'as au moins 20 minutes là, pour t'exprimer, là, forestement. 20 minutes, t'es malade. Ah ben là, on est ensemble ou on ne l'est pas. Là, deux blocs de 10. La semaine passée, tout le monde a été coupé un peu. Puis, ben oui, ben, la semaine d'avant aussi, puis blablabla. Bla, quand on a des invités, on leur laisse un peu de place. Puis, parlant d'invités, là, ceux-là, on leur laisse pas de place, même si je suis allé leur chercher des chaises. J'ai ici Mathieu et Marie-Pierre qui sont venus me voir. Mathieu étant un ancien étudiant qui est de nouveau fan de 70%. Et il déclare lui-même avoir été accroché par les manchettes de petits pénis de je ne sais plus quelle semaine. Ça doit faire à peu près 4 semaines de ça. Réécoutez les archives, là. En manchette ce soir, on parlait de petits pénis de David et Goliath, puis tout ça. Ah, voilà, oui, c'est vrai. C'est ça, ah, ben, c'est parce qu'il y avait eu peur. C'était ouais. Parce qu'il y avait peur. Ouais, il y a des psychologues qui ont prouvé que ouais, c'est bon. Des psychologues. Réécoutez, oui, là, oui. On va pas la refaire. Ben non, c'est ça. Je vais la chercher dans mes archives, je vous la refais tantôt. Yeah. Fait que là maintenant c'est des vrais fans accomplis puis ils sont même venus nous voir live ici en studio. Ah ben c'est cool ça. La prochaine fois on va amener des cannes en bonbons. Ah oui, du popcorn. Parce que popcorn. Ça, ouais, c'est ça. Parce que ça, les cannes en bonbons, là, c'est emballé, personne n'en prend, fait que t'en as tout le temps. C'est vrai. Fait que ouais, t'as l'air plein. Généreux. C'est comme les élastiques. Il n'y a jamais personne qui achète des élastiques, mais tout le monde dans la maison. C'est vrai. Ça, puis les trombones. Asti, vous l'avez entendu ici, la conspiration de la grève étudiante avec les élastiques, tout ça. Puis les canons. Tu nous parles d'Annie Dufresne, la romancière. Moi, je vous parle de secrets de chevalier de Colomb. Oh. Ah, les chevaliers de Colomb, man, les Illuminati. DJ George, s'il te plaît. Ouais, je pense que là, c'est le temps. Bon, fait que là, on est rendu full printemps. Il annonce 23 en fin de semaine. Il n'y a plus de neige, j'ai plus tout le temps. Puis je m'ennuie déjà de l'hiver. Tu sais, l'hiver, c'est le genre d'affaire que pendant que tu es dedans, tu as hâte que ça finisse. Mais c'est un coup que tu l'as pu que tu te rends compte qu'il y avait des belles choses. Ah ouais? Ah ouais. Ah. Alors je. Je me sens un petit peu triste. Puis je me dis, c'était le fun, la neige. On batifolait dans la neige. On se lançait des boules de neige. Puis on faisait des bonhommes de neige. Alors, je me sens vraiment... j'ai le vague à l'âme. Et je me sens un peu bleu dans mon cœur. Tommy a sorti son bois 1, là. Puis Israël, il est même pas bandé. Non. Mais j'ai bandé hier chez Predge. Ah, c'est bon à savoir. Mais attends, je suis pas juste tout seul avec lui. Il y avait plein de monde, là. Attends une minute, là. Parle pas d'histoire, là. Ouais. Parce que ça arrive vraiment rarement qu'Israël est bandé, tu sais. Que... Ah, c'est ça, c'est pour ça que c'est étonnant. C'est pas ce que Pratt a pu faire. C'est qui a eu la bonne idée de nous mettre ça en français? C'est Gérard Lenormand, écoutez ça. Le bleu des regrets. Le bleu des regrets de l'hiver. Voilà. Qu'est-ce que je regrette l'hiver? Encore une fois. Le bleu des regrets. C'est tellement touchant. T'en regretterais. Ah, ça fait du bien. Voilà. Moi, que... les chanteurs préférés de mon père, là, c'est Jerry Boulet, Robert Plant, Jimmy Page, là, Robert Plant. C'est Robert Plant qui chante. Et puis Gérard Lenormand. Ah. J'ai jamais compris pourquoi. Il paraît qu'ils projettent de tout faire un gros comeback ensemble. un super group. Es-tu en train de dire que tu connais pas, tu comprends pas les goûts culturels de ton père? Ouais. Je pense que c'est un affaire de famille. Pourtant, Gérard Lenormand, c'est toujours bon. Voilà, donc ceci étant dit, ben c'est ça, là maintenant. Des regrets. Vu qu'on regrette beaucoup, on va écouter un peu de toune d'hiver. Je vais laisser le refrain, là, ça pointe le bleu des regrets. C'est bien meilleur de même. Tu vas regretter tes bleus. Ok, on est plus capable, Étienne, s'il te plaît. Il me semble que tu l'as laissé longtemps, celle-là. C'est parce que vous chantez. Tant que vous chantez, moi, je la laisse, c'est ça. C'est parce que c'est la première fois, en plus, que quelqu'un il dit « chante ». D'habitude, c'est moi qui le dis, puis ouais, c'est Gérard Lenormand, là, j'ai plein de souvenirs. OK, on change de tune. Je vous amène à Steve Fizet, qui a déjà chanté « Les chemins d'été ». Pas le goaler des Nordiques. Non. Les chemins d'été, tout le monde appelle ça dans ma Camaro, mais outre l'été, il a déjà chanté l'hiver, et outre les Camaros, il a déjà chanté les skidoo. Dans « Quand l'hiver est là », qui se trouve finalement à être rien qu'une ode au skidoo. C'est-tu que j'ai hâte de faire du skidoo? Ouais. Ça part bien, tu peux? Ouais. On sent la vibe qui rentre tranquillement. Ça sonne comme rien que j'ai jamais entendu. Quand l'hiver est là, quand le froid nous pince, on se promène dans la belle province, en skidoo. Avant de partir, on prend un petit verre. Faut surtout pas virer à l'envers. En skidoo. Oh, surtout pas. On glisse à travers les boulots blancs et les sapins verts. En skidoo. Pour moi, c'est Noël, n'importe quel jour du moment que je peux faire. Ok, devenez le dernier mot. En skidoo, c'est ça. En skidoo. Un, est-ce que les gens qui n'ont pas d'écouteurs, ils entendent les chansons? Il faut profiter de tous ces beaux jours. Ils entendent juste qu'est-ce qu'on entend. T'as mis, mets les speakers pour qu'on ait deux, trois sites, comme ça je vais pouvoir changer de base. Parce que j'avoue que c'est quand même l'aventure en skidoo. Ah oui, skidoo, c'est important. Fait que c'est ça, c'est la seule affaire qui est le fun de l'hiver selon Steve Fizet. Parce que quand l'hiver est là, tout ce qu'il y a à faire c'est le ski. Changer un peu de genre. On a Claude Steben et Christine Chartrand qui nous ont déjà chanté qu'il pleuvait des larmes dans le vent du soir. Moi je l'aime Claude Steben. Moi aussi. Là il nous chante, il a neigé sur nos 20 ans. C'est une métaphore. Ouais. J'ai compris. C'est bon, hein? Pas mal. On n'a pas vu venir l'automne. C'est pas facile, ça. Là. Moi, je suis plus capable les tunes de l'automne. Je hein. Fais tout le temps des mêmes affaires. Tout le temps trop joyeuse, je trouve. Oui, ça met de la joie, c'est clair. On n'a pas vu s'enfuir le temps. Il a neigé. Bon, voilà, c'est vraiment dol. Ah, j'avais pas remarqué, j'écoutais pas. Ouais, y a. J'étais occupé à doser. Ok, ouais. Next. Oh, okay, pas non. Le choix, là, t'as gagné. Ouais, celle-là était vraiment dol. J'en prends une complètement différente, mais ça me fait toujours du bien de vous représenter Michel Farinet. Ah oui! Cette fois-ci, il nous chante... Le très inoffensif. Oui, toujours, et jamais violent. Personnage, la fille sauvage. Oh! Tiré de l'album MF 2016. MF 2016, qui est sorti en 2003. Une belle histoire, une aventure. T'as toute une voix. C'est le réveil de la nature. C'est comme une grande ronde éternelle. Une explosion, un arc-en-ciel. Dans ce concert vers l'éclosion, la personnage apporte l'émotion. Hey, si je me marie, je le veux pour animer mon party. Dans sa blanche blancheur, sous la neige, un instant de bonheur. Je ne que le messager, tu devrais aimer Michel Ferrier. Personnage, c'est la fille sauvage. Le contexte serait pas pareil, je suis pas sûr que j'ai envie d'aller chez eux. Non? Ah, ça l'air qu'il fait un très bon party chez eux. T'aimerais pas ça qu'il t'explique que notre monnaie, c'est l'euro. Live comme ça. Oui, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de celle-là aussi. C'est comme un texte de Francis Cabrel. T'sais. Le ruisseau, le caillou, le caillou, les dames sur les... Mais avec moins de voix puis plus de xylophone. Trop de xylophone. C'est rare que c'est winner du xylophone dans une chanson. Oui, un petit peu penser à Stefano Di Mariano. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais je suis dingue de mon slip, dingue de mon slip. Ça me sent vraiment trop. Ouais. On va revenir plus près de chez nous avec Guy Boucher qui va nous chanter quelque chose de plus joyeux. Neige à gogo. Jamais vu ça aussi. L'hiver s'approche, ma belle, pour toi et moi. Il faut qu'on sorte, ma belle, viens avec moi. La neige Chagalag. Tombe, ma belle, Chagalag. Pour notre joie. Go-go, Israël est en train de tomber dans un coma. Neige à gogo. Hey, c'est pas très bon, ça. Guy Boucher, il a eu une longue carrière avant de devenir animateur TV. Oui, avec sœur Angèle. Là, il est allé faire de la prison parce qu'il avait mis ses mains sur des affaires qu'il fallait pas. C'est ça. Puis il y avait des petits garçons propriétaires de ces affaires-là qui étaient pas contents. il leur avait dit que c'était pour être correct. J'avais bien dit que ça ferait non, pas mais mal. Ça a l'air qu'il avait demandé carte d'identité aux enfants. Là. C'est de la faute aux enfants, en fond. C'est ça. Laissez pas vos enfants de 8 ans partir avec des cartes, des fausses cartes de 18 ans. Non, mais il y en avait une de 10 ans, de 8 ans. Il s'est dit, bon, ensemble, ça fait 18. C'est ça. Oh, c'est du bon recyclage, ça. Je vais te laisser finir d'écrire les textes du prochain Bye Bye. Pendant ce temps-là, je vais. T'as tout compris, mon Étienne. Je vais y aller avec Ginette Ménard aussi, qui nous chante tout simplement La neige. Ça aussi, c'est tout jamais entendu. Ça sonne comme rien d'autre. La neige va couvrir. Mais sans toi, mon amour, j'aurai froid. La neige, lorsque tu n'es pas là. C'est moi, j'en vois qu'il n'est pas là, il neige. M'enlève la chaleur de ton cœur. Il y en a-tu d'autres que moi qui n'étaient pas sûrs, j'allais le dire cœur? Je me demandais, moi, la première fois. OK, c'est bon. Bon, lui, il est plus capable. Ouais, ben, je le comprends, c'est assez perçant. J'ai pas de xylophone là-dessus. Je vais terminer mon bloc neige avec un grand classique. Cette chanson est un personnage. J'enchaîne avec les classelles. Le sentier de neige. Ah, comme c'est rassurant du bon placel. C'est super beau. Mais ça. Comment est-ce qu'on peut trouver des chansons d'hiver sans que ça parle de Noël? C'est passé. Ça n'a pas été facile. Ouais. Celui que j'écris de neige dans mon moteur de recherche. Pas facile. Hey, faut que tu l'écrives pas de faute, sinon ça marche pas. Sinon ça marche pas. Sinon tu trouves rien que celle de Michel Farinet. La neige couvre Bon, ben, ceci conclut sa chronique, hein? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a fait. T'es rendu à 13 minutes. Ah, ben, il y a ça une coupe. Non, on va revenir. Voyons. Il peut revenir plus tard. Ben, c'est ça. Ça, ça conclut mon bloc neige. Là. Ah, ouais, c'est toi qui conclut ton bloc en premier. Là, on a tué l'hiver comme il faut. On a fait le deuil. On est prêt à passer au printemps. Oh, voilà. Bring it on, 23 degrés en fin de semaine. Il est capable. Des terrasses. Hey, moi, j'ai Annie Dufresne, Mélodie pour cœur brisé. Non. Et voilà, à la demande générale, on va écouter ça. Puis on va revenir avec la chronique. De Yveline, sa d'accord. Première partie. C'est bon. C'est la bonne. Oh, ouais, ça va. Oh boy, tu veux-tu me doser l'écouteur? Je vous aurais bien laissé là-dessus, mais ça va commencer en mais là, ça va être triste, là, c'est pour cœur brisé. Je me sens lésé. Notre bon, on va. Il me semble qu'il y a deux choses qui jouent en même temps. Ah, puis on s'entend encore. Bon, je travaillais, je voulais vos commentaires. J'ai plus envie de mentir. Le rouge est devenu noir. C'est toujours le même refrain. Tu me regardes et tu dis rien. Il se fait tard, je dois m'en aller. Cœur brisé, ce n'est qu'une autre peine d'amour. Ici Jacques Parizeau. Pour des questions d'ordre sexuel ou autre, écrivez-moi. Non, écrivez au sexe70sexe@commercialhotmail.com. Ah, Lisette, viens ici, on va faire du cardio. Ouais, ça avait été une tentative de jadis. Hein. Écrivez pas là, finalement. Notre chroniqueuse sexe est partie, ça fait 3 ans. Ouais, hein, c'est fini. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai eu comme coloc. Ah ouais? Ouais, j'ai habité avec elle dans les résidences de l'UQAM, cette fille-là. C'est la première fois que je l'ai vue, d'ailleurs. Elle était folle raide. Oh, ouais. Dans beaucoup de sens. Et voilà, on évolue vers le mieux. Au moins, elle parlait de cul. Ouais. Bon. Elle étudiait en sexologie. Ah-ha. C'est pour ça qu'elle faisait ça. Ah ben ouais. Et donc? Et donc, elle parlait de cul. Et donc, on enchaînait avec la chronique Annie Dufresne. Ah! Oui, ben oui, je parlais d'Annie Dufresne. Ça fait, quelques semaines que je l'ai en parlé. Récemment, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs liens et coïncidences qui me lient à Annie Dufresne. Oh. Cette chanteuse, comédienne, écrivaine, Femme d'affaires et Femme fatale. Numérologie! On dit romancière. Mon livre est à Robertval. Je l'ai oublié là-bas. Fait que oui, je me suis comme mis à la croiser partout. Je la voyais à l'épicerie, sur Internet. Je m'en vais à Chicoutimi. Ouais. Je la vois sur la tablette du bas des revues cochonnes à la tabagie CM. CM represent. J'achète son livre. Donc, tu sais, comme omniprésente un peu. Puis après avoir récemment considéré la prostitution pour regagner le respect de mes semblables masculins à la suite d'une crise identitaire très forte de nature sexuelle, j'en viens à me demander si les apparitions répétées de cette diva multidisciplinaire, soit un peu partout dans la vie, n'y seraient pas pour que j'y puise un modèle féminin fort. De passion, d'enthousiasme, de beauté naturelle et de résilience. Parce qu'on a quand même affaire ici à quelqu'un qui sait se relever après des critiques ravageuses et qui sait retomber sur ses pieds et apprendre de ses erreurs, n'est-ce pas? Alors, la semaine dernière, pour la fête à Tommy, j'ai acheté le summum sur lequel figurait Annie Dufresne. Et puis, ça faisait longtemps, je le voulais. Lui. Ouais, c'est ça. Et puis là, ça a comme un peu aussi bouclé la boucle des trucs, liens, coïncidences qui me relient à elle, dont David Valentine, qui a collaboré sur son dernier album avec qui j'ai déjà passé Noël. Martin Bergeron, qui est son petit copain, qui est aussi dans son band, qui est un vieil ami du Lac-Saint-Jean. Il y a aussi Ghislain Tachereau, qu'on a reçu ici à l'émission. C'est vrai. Donc, on a tous un lien avec Annie Dufresne, quand même. Outre moi. On est tous à une personne près d'Annie Dufresne. Voilà. ce qui me relève. Le sex appeal aussi, moi et Annie, on a ça en commun. C'est vrai. Une belle paire d'attitudes. Voilà. C'est vrai, moi, je l'ai déjà vu. J'allais m'acheter un T-shirt à une place où tu imprimes le T-shirt. Elle était là. Fait que pendant que j'ai reluqué le cul, elle était en train de s'acheter un T-shirt avec un hot dog dessus. Puis c'était écrit « I want your sausage ». Puis ça donne que toi aussi, t'aimes les saucisses. Ben... c'est toutes des coïncidences qui coïncident. Ah ouais, moi, barbecue l'été en deux beaux chevalier petits pains de colon, hein. Chevalier de colon. Voilà, criss-cross. Elle aime le hip-hop aussi, comme moi. Tantôt va merger. Aussi, je pense à Michel Brûlé des éditions Les Intouchables et Roger Normandin, ainsi que tout le monde des douteux, quand même. Ça a comme un petit peu bouclé la boucle quand je me suis mis à lire l'article dans lequel elle fait une entrevue là, dans le summum. Elle a dit des mots, elle n'a pas juste montré son corps. Il y a des questions. On apprend là-dedans qu'elle joue une bisexuelle dans Virginie puis qu'elle trouve ça plus facile d'embrasser une fille qu'un gars à l'écran, que c'est dans le fun de jouer une bisexuelle. Alors, on pose ici une question sur... ses rôles au cinéma et les French au cinéma, parce que dans ce moment, on partira pas à parler de la psychologie, de la profondeur, de la psychologie d'un personnage. La question va comme suit. Il faut dire que tu as matière à comparaison puisque tu as embrassé bon nombre de partenaires masculins, que ce soit sur petit ou grand écran. On est en plein milieu de l'entrevue. Elle répond, c'est vrai. Je suis persuadée que je remporte la palme d'or du plus grand nombre de scènes de baisers au Québec. Et l'énumération va comme suit. Oh, yes. Il y a eu Roy Dupuis dans « C'est pas moi, c'est l'autre », Patrick Huard dans « J'en suis », Marc Messier dans « Les Boys », David Savard dans « Cauchemar d'amour », je sais pas c'est qui, mais il remporte la palme de Grand French au Québec. Cauchemar d'amour, Robert Brouillette dans « Carmina 2 ». Des flocons! Robert Brouillette! Des flocons! Benoît Brière dans « Cher Olivier », et Frédéric de Grandpré dans L'Or. Ah, et j'en Frédéric. Passe. Pauvre, elle n'a pas eu à frencher Frédéric de Grandpré. Elle a frenché tout ce beau monde-là. Fait que là, le monde, tu sais, les énergies. Oui, c'est ça, j'ai pensé à toi. Oui. Moi aussi, je pense à moi. Moi, je ne serais pas quelqu'un qui a frenché Patrick Huard, en tout cas. Ouais. On apprend ici qu'elle n'a pas de tatou, même si elle écrit du rock'n'roll. Oh! Ah. Mais, hein? Ben c'est ça, donc elle dit, ben j'ai pas de tatou, contrairement à ce que tout le monde pense. Et puis là, le gars, il dit, ah, c'est surprenant pour une fille qui compose de la musique tout rock. Tout le monde pense. Ça, c'est pas précisé comme, mettons, dans l'article. Ah, en fait, c'est le summum, quand elle avait posé dans le summum auparavant, le summum aurait dit qu'elle avait des tatous, donc c'est écrit contrairement à un article paru dans le passé qui disait le contraire. Erratum. Ah, voilà. Erratum. Parce qu'aussi, elle a écrit un livre qui s'intitule... Donc, c'est surprenant pour une fille qui compose de la musique rock. oui. Je n'ai rien contre les tatouages. J'ai même publié un roman qui traite, entre autres, de ce sujet. Et voilà. Ce qui nous amène à... Tatou, c'est fini. Danny Dufresne. Et dire que c'était un dessin de nos derniers amours. Éditions Michel Brûlé. C'est ça, oui, aux éditions Les Intouchables, Michel Brûlé. Et puis dans ce livre-là, le personnage qui parle au jeu fait des tatous, est encore vierge, croyante, et elle a des pouvoirs spéciaux. Ah. Donc, le petit bout que je vais vous lire, vous me direz... En tout cas, moi j'ai fait le petit lien, là, mais... C'est quoi ses pouvoirs à ce bain? Je suis pas sûre. Ils sont spéciaux. Ben non, faut pas. Bon, elle suce beaucoup, elle bien, peut. Je sais pas. Elle peut, qu'a dit. Ah, oui, ben écoute, moi, quand je parle. Bon, mais tu restes vierge quand tu suces, voyons donc. À Suisse. Selon Bill Clinton, oui. On parle aussi de conditions féminines, ça c'est très intéressant. Puis Tommy, je suis sûr que tu vas reconnaître plein de femmes dans ce qu'elle parle. Chapitre 16. Ce ne sont pas tous les tatous qui crient à l'aide. Ah, je trouve déjà ça drôle. Certains sont heureux. Je les entends chanter ou hurler leur joie de vivre. Parfois, ce sont des bipolaires qui sont dans une phase maniaque. Je dois être prudent. Donc, on comprend ici que les tatous lui parlent. Les personnes véritablement heureuses sont rares. Comme si la plupart des gens avaient des tracas continuellement et que le bonheur était un concept trop abstrait pour qu'ils puissent l'atteindre et le vivre pleinement. Que c'est prof, on apprend à vivre avec... Moi, j'aime ouais, ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai la faculté d'entendre ce que les tatous racontent, mais cela me met beaucoup de pression sur les épaules. Oui, ça doit. Le meilleur s'en vient. C'est comme dans le sixième sens. C'est comme de la schizophrénie. Moi, ou comme dans la quatrième dimension. Oh. On n'est pas loin de Shawinigan. Quand je passe à côté d'une fille dont le tatou se plaint qu'elle n'a pas assez d'argent pour acheter tous les vêtements qu'elle voudrait, je m'en fous. Oh. Mais c'est une autre paire de manches, c'est une autre histoire lorsque je croise un gars suicidaire qui s'apprête à passer à l'acte. Je dois agir. Moralement, c'est une obligation. Oh boy. J'entends d'horribles choses, parfois. Je le lis comme je lis normal à mon. C'est n'importe quoi. Mais elle aussi, elle met des virgules qui n'ont pas rapport. En tout cas, notamment de la part des tatous portés par les filles. On vient de faire un lien. Non. Puis Roger Normandin. Tout va merger à la fin de l'émission. Ça va tellement être bon. Comme les Power Rangers. Tout va merger, ouais. Ça va devenir un gros robot, toutes les chroniques. Donc, parfois, elle entend des choses horribles, parfois. Notamment de la part des tatous portés par les filles. Elles ne s'aiment pas. Elles se trouvent trop grosses, trop petites, trop de cellulite, trop de vergetures, les dents pas assez blanches, pas assez de seins ou les seins trop tombants, trop de peau sur le ventre, trop de poils. C'est une litanie de plaintes. Ben attends, elle en oublie plein. Je te laisse la parole. Vas-y. Donc c'est une litanie de plaintes, mais jamais je n'entends quoi que ce soit sur leur vivacité d'esprit, leur intelligence ou leur humour. Et là, je ne parle que des filles qui portent un tatou. Ouais. Donc, matière à réflexion. C'est qu'ils sont superficielles, les filles qui portent des tatous. Voilà. Non, mais ça, non, les autres aussi, c'est ça. Là, elle parle que des filles qui portent des tatous parce que c'est les seules parce dont c'est elle les entend seules. La c'est ça. Moi, c'est ça que je dis, parce que les autres filles sont pas de même, moi, je dis. C'est ça. Donc, c'est ça. Matière à réflexion de la part d'Annie Dufresne. T'sais, au départ, j'avais un petit peu des préjugés. Mais finalement, je retrouve en elle une source d'inspiration et matière à réflexion. Mais quelle déconne! C'est quoi ce pouvoir de marde-là? C'est quoi ton pouvoir? Moi, je me transforme en cornet de crème glacée. Mais oui, gueule, mais elle sait pas pourquoi. Qu'est-ce que ça sort? Ah ouais, je sais bien qu'elle sait pas pourquoi, mais qu'est-ce que ça sort? Excusez, Patage de coche gratuit. Ils feront pas un crossover avec Superman. En tout cas, merci beaucoup, Evelyne, parce que c'était étoffé. On avait plusieurs sources. On a les sources devant nous. Oui, c'est donc le summum du mois de mars avec Annie Dufresne en couverture. Et on a aussi tatouage aux éditions. Tatou, c'est fini aux éditions Les Intouchables. J'ai tout ça disponible pour vous. Disponible à la bibliothèque. On devrait faire l'adaptation. Ainsi que son album. Comment il s'appelle son album? On n'a pas son album. On n'a pas son album, mais on a écouté sa toune tantôt. Ouais, mais je suis allé sur YouTube. C'est tiré de quel album? C'est tiré de l'album du même. Le mystère s'épaissit. On reviendra la semaine prochaine ou plus tard. Gani, c'est un trésor là, j'ai à dit découvrir. Que je voulais plus en parler. Moi, je vous laisse décanter. Là, on va mettre le premier bout du film. C'est vraiment une introduction très bien ficelée. Pendant quelques 2 minutes, le préfet de police, le commissariat sur les lieux ainsi que les terroristes vont s'échanger la balle dans une cacophonie de « voyons donc, puis on va tout comprendre ». C'est Forceté, j'en parle juste après. À 70%. Parce que c'est super bon, Forceté. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. En direct de Los Angeles, notre correspondante Trisha Savage. Bonsoir. Un groupe armé vient d'investir l'immeuble de l'ambassade de l'ONU. Les hommes qui le composent ont à présent le contrôle total de tous les étages et détiennent une 60aine d'otages, dont l'ambassadeur britannique Christopher Olson. Les terroristes revendiquent la libération d'un certain nombre de prisonniers actuellement détenus au pénitencier. Ordre à toutes les unités. Allez, reculez-vous. Introduction 2, signalez votre position, s'il vous plaît. Chers amis, toutes mes excuses, mais je crois que l'on ne prend pas notre action très au sérieux. Je vous propose d'assister à une petite démonstration. Mademoiselle, est-ce que vous pourriez m'aider? Venez, ça me ferait tellement plaisir. Les véhicules de secours, zone 32 et 33. Sont complètement aveugles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pitché une fille dehors? Ouais. Par la fenêtre? Ouais. Elle lui a rendu service. Oui. Inutile de vous dire que nous sommes très sérieux. J'irai droit au but. Je veux que mes associés soient relâchés et qu'on me les amène immédiatement. Inutile de vous dire que nous sommes dans une situation extrêmement sérieuse. Il faut réagir. Ils viennent de défenestrer un otage. Je vous entends, ici le préfet Richman. Soyez rassurés, la section cybernétique est en alerte. Je répète, la section cybernétique est en route. Secteur 2, 3, 5, 8, 0, envoyez-le. Qu'on me dise où est passé Jack Floyd. Excusez-moi de vous importuner. Je suis Peter Deseric, le conseiller municipal. Je sais qui vous êtes. Je vous signale que vous n'êtes pas habilité à utiliser une section dont nous avons limité les interventions au seul cas de force majeure. Vous n'avez pas entendu ce qui vient de se passer? Pour moi, il s'agit d'un cas de force majeure. Où est passé Jack Floyd? Jack Floyd, c'est un cas de force majeure, j'ai besoin de Jack Floyd. Jack Floyd. C'est Jack Scalia, en fait. Moi, j'aime ça quand l'acteur et le héros du film ont le même nom. Ben oui. On se demande... C'est plus facile. Ouais, c'est pas besoin d'apprendre un autre prénom. C'est parce qu'il était... il reste plus naturel quand on l'appelle par son vrai nom. Oui, mais c'est parce que c'est un grand acteur. Hein. Il avait beaucoup de misère à réagir quand on disait un autre nom. Fait qu'ils ont décidé de changer le nom pour Jack. C'est juste comme ça qu'il réagissait. C'est ça. Avec un des bâton. Grands des acteurs. Fois, il poquait avec un bâton. Donc, belle mise en situation. Je pense que tout le monde a commencé à comprendre le fond du fond du fond, du fait que ça allait sans fond, vraiment. Il y a comme le conseiller municipal Grant, et puis le docteur, et la section cybernétique, et les terroristes. Y a-t-il une secrétaire aussi? Il y a toujours une secrétaire. En fait, là-dedans, c'est la mairesse qui est comme la secrétaire. Ouais, nice. Parce que c'est comme la secrétaire du héros. spécial, mais bon. L'original, inoriginal, faire du neuf avec du vieux, présenter des concepts éculés dans des nouvelles bouteilles. Quand c'est mal réussi, ce qui est plutôt fréquent, on assiste à une des manifestations les plus prenantes et insidieuses du domaine douteux. La semaine passée, grâce au moins 7, la loi à main nue, excellent film, on a parlé d'un de ces concepts redondants insultants. C'est les enquêtes à coups de carton d'allumettes. Concept que l'on a ensuite subi assaisonné d'une densité surprenante de stéréotypes de films de flics. Capitaine de police éternellement offusqué, héros menacé de retourner à la circulation et la bonne vieille vengeance de personnel de flics de d'instinct. Et puis il y a bientôt la densité de ces déjà-vus qui est à la source même des bonnes notes qu'on a données à La Loi à main nue 2 et au film de ce soir. Donc, petit bémol. L'effet déjà vu en est un fondamental, certes, mais il existe mieux quand on a vu plusieurs films. Alors, on vous fait confiance au niveau de la culture cinématographique. Et puis, ben, vous nous faites confiance quand on dit que des policiers déjà frustrés, on en a déjà vu, et des hélicoptères qui explosent aussi. Sinon, ben, oubliez pas que beaucoup des concepts stéréotypés qu'on prend comme exemple de douteux proviennent de films qui ont été vus par tout le monde. Ou de films... qui ont été vus par du monde, qui ne sont pas nécessairement en train de se vanter d'avoir une culture cinématographique. On suit un peu? Genre. OK. Ouais, ouais, ouais. Donc, réalisation de Pépin, produit par Pépin Méry. Ça commence. Yeah! Fort. Toujours une combinaison gagnante. Ah, c'est fort, ça. Force T est un film que tout le monde a déjà vu, un savant mélange de Blade Runner, Terminator et Die Hard. On se retrouve rapidement au cœur d'une tornade de stéréotypes qui ressemble à tout ce que l'on a déjà vu, dans ces trois films-là surtout. Jack Scalia joue le rôle du policier qui n'aime pas les machines, mais qui va changer d'avis en jouant au pool avec ce qui s'avère être son seul ami. Un automate qui débat de l'autopréservation et du conflit avec l'obéissance à l'autorité. Relation amoureuse latente entre le héros et la femme de pouvoir, la mairesse. Il donne des ordres, mais il dit « Ouais, d'accord, on se revoit ce soir. » J'ai dit non. « Ouais, je passe te chercher à 8 heures. » Ça va bien, là. Et puis, bien sûr, prise d'otage, vengeance personnelle de meilleure famille assassinée, et puis... La finale en terrain désaffecté, ça, c'est... Ça, on l'a déjà vu, s'il vous plaît. OK. Plus de 15 fois, plus de 20, 30, 40. Et voilà, dans celle-là, il va en avoir une très belle collection. Donc, on a écouté pas mal toute la première séquence. Je vais aller vers 24 minutes 35, nous en mettre un autre petit bout pour qu'on change... Hey, c'est là-dedans que les cyborgs, ils baissent. Je sais pas si je vous l'avais dit, là. À un moment donné, il regarde un magazine de filles tout nues, là, puis là, ben, il y a comme des cyborgs, là. Puis là, ben, là, les cyborgs, ils disent « Mais que font-ils? Je crois qu'ils sont en train de se reproduire. Mais pourquoi n'essayons-nous pas? Mais si je regarde ça, tu dois te dévêtir. Mais toi aussi. » Et puis là, il y a un travelling puis du saxophone. C'est ça, les années 80. Il y a aussi une excellente blague dans ce film-là, c'est du genre... ben là... Je ne m'appuierai pas. Autant mettre son zouzou dedans un grille-pain. Ouais, baiser avec une machine, c'est comme baiser avec un grille-pain. Ouais. Ah! On l'avait bien ri, Bruno, la première fois. On avait trouvé ça drôle parce qu'il parlait de pénis puis de grille-pain. Hey, on va écouter ici le petit bout, là, après la première utilisation des cyborgs en patente ennemie. Le Dr. Gant est en quelque sorte le cerveau de la section cybernétique, également connu sous le nom de Force Terminale. Vous avez dû oublier de leur dire qu'ils étaient aussi là pour sauver les otages. C'est une simple erreur technique. Simple erreur? Non, mais dites, je rêve. Attendez, docteur, nous parlons des otages. De 6 innocents qui ont été sacrifiés. Et vous vous retranchez derrière une erreur technique. Madame, vous oubliez qu'il y avait 31 terroristes. 31. Or, je vous rappelle que tous ces hommes ont été tués. Toute action était susceptible d'entraîner de lourdes pertes, vous en êtes consciente. D'accord, il y a eu cet accident. 31. Mais si à la place de ces robots, des êtres humains étaient intervenus, les victimes auraient été bien plus nombreuses. De quel genre d'être humain parlez-vous, docteur? Écoutez, messieurs, nous devons faire face à la situation. Genre, lui, des robots sont impliqués dans un drame que nous pouvions éviter. Il est temps que nous prenions les mesures nécessaires. Mes robots ne sont pas encore des créatures parfaites. Comme les humains, ils ont à prendre des décisions. Et comme les humains qui les ont programmés, ils ne sont pas à l'abri d'une erreur. À l'origine, nous avons développé la cybernétique pour nous aider dans nos tâches quotidiennes, à la maison, au jardin. Il n'a jamais été question de leur donner le boulot de la police. Écoutez, l'opinion publique, jusqu'à notre gouverneur, même la Maison Blanche, tout le monde est choqué. Personne ne veut admettre que des espèces de machines humanoïdes aient droit de vie ou de mort. Je crois qu'on est tous d'accord. Je demande l'abandon immédiat de cette politique judiciaire. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. J'ordonne que l'on détruise tous ces robots sans perdre un seul instant. Voilà. Et qu'est-ce qui vous y autorise? Le droit constitutionnel. J'en suis désolé. Il faut savoir garder les pieds sur terre. Nous vivons dans un monde réaliste. Je trouve que beaucoup trop de gens profitent de cette situation. Je vous garantis que cette opération a assez duré. Mais cybernautes sont des êtres à part entière. Ce ne sont pas de simples outils. C'est une création à l'égal... À l'égal de l'homme engendré par Dieu, ils ont l'intelligence, ils sont doués de déduction, ils ont une âme, une vie, une existence réelle. De la tôle. Madame, je vous en supplie. Ce sont des êtres... Je vous implore à genoux, au nom de la science, n'éteignez pas cette flamme. Ah, c'est beau. Jack, qu'est-ce que vous en dites? Les héros. Excusez, j'écoutais pas. Je hais les robots, c'est tout. Et voilà ce que je te prends 8 heures. Et... C'est lui qui décide de tout ça. Je l'adore bien, bien gros. C'est ça, c'est la mairesse qui demande à son collègue, qui est en fait son ex-amant, de blablabla. Ah, il y a une petite pause musicale, une de mes tunes préférées, puis c'est Kate qui cite, qui me l'a fait découvrir. C'est la tune de la cour à scrap à Pouliot. C'est qui chante ça? Moi, je veux savoir c'est qui chante ça. Bon, on pose des questions en revenant. Wow. cher. Accro à Scrap, y'a des bosses de job pas cher. Accro à Scrap, tu trouves n'importe quoi. Hey, 3, 4, 6, 7, 9, 8, 1. 3, 4, 6, 7, 9, 8, 1. 3, 4, 6, 7, 9, 8, 1. 3, 4, 6, 7, 9, 8, 1. C'est le numéro. Pour un scrap, un surcote. Pour un bumper ou un muffler ou un radiateur. Pour une série ou un miroir ou juste une vitre de côté. Tu trouves n'importe quoi pour Chris ma pochette. Quand tu vois un surcote arriver. Vroom. Vraiment une intellectuelle. Vroom, vroom, vroom! Fait que, ben, dans le fond, on a mis des agents sur retracer cette affaire-là. On va en parler une autre fois, j'ai l'impression. Ben oui, on sait pas encore c'est qui, finalement. Bon, ben voilà. En tout cas. Non, OK, il y a des nouvelles, là. Bruno Corbin, back to the news, man. Ouais, ramène-nous alors, à la vraie vie. Ben, c'est ça, là. J'aimerais juste ça dire à la prochaine personne qui échappe une petite momoute à micro dans le studio de bien vouloir la nettoyer après parce que j'ai mangé des poils tout à l'heure quand j'ai fait mes nouvelles. Ouais, il a fallu que je nettoie la mienne aussi. Ouais. C'est un petit peu dégueu, là. J'espère que les gens qui échappent les momoutes nous écoutent en ce moment. Ils se reconnaissent. C'est ça. Alors, la police a arrêté Albert Bailey et un garçon de 16 ans non identifié pour vol à main armée mardi dernier. La paire avait auparavant appelé à la People's United Bank de Fairfield au Connecticut, menaçant de faire un bain de sang si un sac d'argent ne les attendait pas à leur arrivée. Tout se serait bien passé si ce n'avait été de la police qui les attendait à leur arrivée. Les hommes sont arrivés 10 minutes après le téléphone et ont été interceptés par la police dans le stationnement. Selon le sergent James Perez, les suspects n'étaient pas des lumières. Ah, eh bien. Ils ont essayé une nouvelle méthode, en tout cas. Quand c'est un policier qui dit ça, tu sais, imagine. Ouais. Hey, t'en as donné un autre. Ouais, je t'en pitche un autre. Après une dispute enflammée avec un chauffeur de taxi qui a commencé lorsqu'elle n'a pas voulu lui donner une destination précise menant à des cris, des gestes obscènes et des menaces de blessures corporelles et se terminant par son refus de payer les 6,60 qu'elle lui devait. Carly A. Houston a été transportée à la station de Naperville en Illinois. La police lui a alors fourni un téléphone lui indiquant qu'elle avait droit à un appel afin qu'un ami puisse payer sa caution. Au lieu de ça, Houston a décidé d'appeler le 911. c'est ce qui l'a directement connecté avec le service de police de Naperville. Et leur a indiqué qu'elle était gardée contre son gré dans un établissement de détention, ce qui devrait ajouter une accusation de fausse déclaration au 911. Voilà, bravo. Wow. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, ça a commencé quand elle a embarqué dans le taxi puis qu'elle voulait pas dire où elle voulait s'en aller. Puis là, ça a fini, elle était rendue dans le poste de police puis elle avait encore raison. Puis elle appelle le 911. Aïe, elle mérite vraiment un câlin, elle. Ouais. Je sais pas. En tout cas, wow. Appelez-nous si vous pensez qu'elle mérite un câlin. Bon, ben, je pense qu'on va aller vers notre dilatation périodique. Ouais, grosse chronique cette semaine. Ben, du stock. Je sais pas si tu veux un thème, là. Ah, oui, donc. On y croit. Je l'ai mis tantôt, moi, je vais le remettre là. Et là, je commence à en avoir plein mon casse en tabarnak. Puis pourtant, là, il est gros mon casse, parce que moi, j'aime ça les grosses affaires. C'est jamais clair. Je vous entends, mais je comprends rien. Il y en a qui me disent ci, il y en a qui me disent ça, d'autres qui me disent ci, ça. Mais en bout de ligne, ça coagule. Je comprends que tu veux t'exprimer, mais t'es comme un contrat d'assurance. Faut savoir lire entre les lignes. Puis qu'est-ce qu'il y a entre les lignes? Du vide, un espace blanc. Ça veut-tu dire que je dois moi-même remplir ces espaces blancs? senti que le blanc, c'est supposé être la couleur de la virginité, de la pureté, comme des robes de mariée. Ça veut-tu dire que c'est ça la réponse? C'est pas parce qu'il y a des questions qu'il y en a les réponses. À force de trop pousser, trop forcer la chose, on en vient qu'à saigner du nez. Puis là, ça vire au rouge. Puis là, je deviens violent. Mais en même temps, tout dépend du point de vue. Tout est relatif, comme des orteils bien alignés. Tu sais, on pense que les taureaux s'énervent parce que la cape a swing rouge. Mais hostie, les taureaux voient en noir et blanc. Hostie, comme le yin pis le yang, c'est tout ou rien. Ça veut-tu dire que plus on s'excite, plus les gens autour de nous s'excitent aussi? C'est une question de phéromones. Tu t'énerves, tu te mets à suer comme un cochon, t'émanes des parfums excitants, pis c'est là qu'ils se mettent à capoter, c'est ton cas, en se demandant si on va avoir une équipe de baseball à Montréal un jour. Parce que c'est tout des questions de balles pis de gros battes. Mais bien sûr, tout le monde a le droit à son opinion, et c'est mon opinion de dire qu'on a droit à notre opinion, parce que l'opinion de quelques opiniâtres peut différer du réseautage intestinal de tout un chacun. C'est là que t'as pignon sur rue. Mais tu sais, les rues sont tellement pleines de nids de poules qu'il faut toujours rester attentif pis garder les yeux au sol pour pas sacrer le camp à terre. Parce qu'un camp, ça se sacre à terre assez raide si on met les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement dans les mains des personnes compétentes. Check les camps nazis, par exemple. Hey, eux autres, ils étaient méchants. Mais si on fouille un peu, on se rend vite compte que tout le monde, eux aussi, peuvent pogner une grippe ou la tourista. Sont pas à l'abri de tout souci parce qu'ils ont des gros fusils, là. T'as beau avoir un gros pédiste, ça arrive à tout le monde d'être à la caisse de Jean Coutu pis que la caissière te remet pas assez de change. Là, faut que tu t'ostines avec pour la convaincre que tu as donné un 20$ pour pas te faire fourrer par l'incompétence de cette prépubère qui n'a encore jamais vu la couleur d'un gland. Sauf qu'à force de toujours regarder le sol quand tu marches pour pas tomber à pleine face sur le béton, ben les gens deviennent individualistes. Ils se renferment pis deviennent asociales. C'est un peu comme le monde qui aime pas se montrer en public en maillot de bain, là. Les gens qui se baignent jamais parce qu'ils sont pleins de complexes, complexités, de complexités, là. Mais c'est ça. La baignade, ça masque beaucoup de choses. Je m'explique. Quand t'es dans le lac, il y a du sable dans le fond. Puis plus tu le brasses, ben moins c'est clair. Plus c'est embrouillé, puis là tu te perds. Asti, même dans un verre d'eau. Parce que la pollution de l'eau est un fléau. Fléau qui est un mot qu'on sous-estime de nos jours. Les jours dépendront d'une personne à l'autre. Parfois c'est le mercredi, parfois le dimanche. Mais les mots peuplent nos bouches, parfois de façon aléatoire, parfois de façon cataclysmique. Comme l'humain surpeuple notre planète bleue. Bleue qui est une couleur froide, comme le sujet inexistant de ma chronique d'aujourd'hui. Mais c'est là que j'en viens à me demander si un sou d'hiver bleu sera plus froid qu'un rouge. C'est toutes des questions de perception. On regarde, on cherche, mais on le voit pas. La perception. C'est pas parce que tu peux le toucher que c'est là. Ma mère me disait souvent, regarde avec les yeux, pas tes mains. Résultat, pendant 10 ans de ma vie, j'ai regardé mes mains en me demandant comment ça se fait qu'on doit reculer l'heure si on doit l'avancer 6 mois plus tard. Est-ce-tu? C'est comme Pierre le quêteux là, en face de l'hôtel Fairmount. Il dit qu'il est pas toujours de même. Il veut me faire croire qu'il y a juste 2 crises par année, mais tu sais, ce qu'il nous dit pas, c'est chaque crise sur 6 mois. Asti, c'est un bon exemple de phrase dont on pourrait se passer, ça, tu sais. Par exemple, je possède un gars de Michet. Ça aussi, c'est une autre phrase qu'on peut se passer ou se prêter. Tu sais, ça se prête un gars de Michet, mais encore faut-il être d'un tempérament généreux et faire confiance aux gens. Parce que c'est pas parce qu'un objet quitte ton champ de vision qu'il va réapparaître prochainement, tu sais. Faut toujours prendre le temps de meubler le temps libre qui s'offre à toi. Meubler le temps en étirant les suspenses jusqu'à ce que l'élastique pète. Pis là, tu sors tes gros canons, boum, t'sais. Néanmoins, on respire moins bien parce que ça boucane un canon, pis ça embrouille ta vue comme le sable dans le fond du lac. Tu penses que t'as compris, mais tu te trompes d'éléphant, parce que choisir un éléphant avec lequel tu vas passer le reste de tes jours, c'est pas toujours facile. T'arrêtes ton choix, c'est le plus gros parce qu'il est le même prix, tu te jettes un peu vite sur l'audel, pis après ça, tu regrettes parce que t'es pas capable de grimper dessus, pis y'a aucun recours pour courir dans la cour, courtisé par les courtiers, tu courras à la cour, tu te ramasses à la cour, pis t'es pris de cour. Y'en a pas de justice. Et c'est injuste l'injustice, mais de façon générale. C'est généralement généralisé d'une évidence évidente. Je me souviens quand j'étais petit, justement, mon grand-père me prenait ses genoux pis il me faisait galoper comme un cheval, tu sais. Mais ça veut-tu dire que j'ai les compétences nécessaires pour faire de l'équitation, moi? C'est pas très équitable comme question. L'équité d'une équation écrasante, ça n'existe pas en Équateur. Quoi qu'il en soit, parfois ça prend un temps d'arrêt. Pis on repart. Parce qu'il vient un temps où on sait pas quoi dire, mais on continue. C'est une roue qui tourne, on patine, on rame, on cherche. Mais tu sais, Gilles, à soir, les joueurs sont venus pour patiner pis ça joue fort d'un coin. Les choses étant ce qu'elles sont, les gens étant ce qu'ils ont, faut arrêter de s'embourber dans des histoires qui mènent à rien, tandis que les gens meurent de faim. Toi, t'es assis chez vous, c'est ta caisse de lait, pis tu fixes, pis tu cherches, pis à force de fixer, ta vue devient floue. Tes yeux se croisent légèrement, pis plus tu croises, moins tu vois, plus on cherche, moins on trouve. À force de fixer pour comprendre, on voit plus rien. Comme le sable dans le fond de ton lac, là. On se rend compte qu'il y a plus rien, y a rien, c'est vide à rien. Hey, lève-toi, va te réveiller après ça. Ouais, tu vas être capable d'accumuler des points Hermès pour visiter le Burkina Faso. T'es mieux d'ajouter un trou dans ta ceinture pis de la série si tu veux comprendre comment ça marche la bourse en Occident. Parce que ça s'oxyde de l'Occident. Faut le mettre à jour régulièrement et ça de façon régulière. Sinon, t'es pas régulier pis t'es pogné pour manger des fibres pour que ça ramollisse pis que ça te coule entre les doigts comme l'argent que tu tentes de gagner à coups de dés au casino de Montréal. Parce que le jeu, c'est bien le fun, mais ça coûte les yeux de la tête, pis crée-moi, rendu aveuglé, c'est là que tu frappes un mur. Les maudits murs qui dictent continuellement notre trajectoire jour après jour. Moi, j'aimerais ça passer par là, tu sais, ça irait plus vite, vite, vite, comme un rat, là, pfiou, tu sais, vite, tu sais, au moins à plusieurs kilomètres heure, tu sais, une vitesse de même, là, tu sais. Mais tu peux pas, parce qu'il y a un mur resté qui te bloque, pis c'est souvent dur, un mur, là, c'est dur, tu sais, tu peux pas mettre ta face là-dedans pis espérer que le mur prenne la forme de ta face de crapet, là. Ça marche pas de même. Ça marche pas non plus comme un crabe, tu sais, de côté de même, là. Tu sais, un marche d'un crabe, ça marche de côté, là. Mais ça marche. Pis ça marche pas d'escalier non plus, les marches tueurs masquées sous une invention qui est supposée nous faire sauver du temps. Tu verrais-tu ça, toi, à chaque fois qu'on veut monter d'un niveau dans la société, il faudrait sortir le stock d'escalade pis le parachute pour redescendre. Mais voyons donc, je préfère me moucher, au moins ça libère des tensions tendues. Faut toujours faire le tour. Le tour du building, le tour du sujet, un tour de manège, un tourniquet, un tour de passe-passe, un tour, une tour à bureau, un étourdi, une tour à la fois, chacun son tour. C'est-tu mon tour, là? C'est comme le tour de France. France est grosse. Fait qu'il faut faire le tour parce qu'elle marche pas vite, elle-là, là. Tandis qu'il y a des cas spéciaux comme Nathalie Simard avant sa liposuction, elle était tellement grosse, c'est-tu, ça allait plus vite de passer par-dessus que faire le tour. Mais c'est ça qui se passe, là. Tandis que les bandits se remplissent les poches, les ours polaires parcourent des distances incroyables pour manger pour... Attends un peu, le prêche de l'Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Il est encore bandé, là! Ah, si, Israël! C'est quoi qui t'a excité, là? Les éléphants, là, ou les crabes? C'est la grosse France. Ah, c'est ça, la grosse France. Et justement, si, c'est ça qui se passe. Les érections pullulent de partout, mais surtout chez Israël, mais en tout cas. Tandis que les bandits se remplissent les poches, les ours polaires parcourent des distances incroyables sans manger pour pouvoir s'accoupler avec la femelle qui pisse partout. Puis là, tu sais plus si t'as la permission d'être où ce que t'es parce que quelqu'un d'autre a déjà marqué le territoire avec son urine. Hey, l'urine. Maudite urine qui dirige le monde. Associée avec des fameux murs, tu sais plus où te tenir, pis t'oses pas t'accoter sur le fameux mur parce que tu veux pas que la piste d'inconnu c'est tes mains propres. Ça vient bien là, à un moment donné. Tu sais plus où donner de la tête, pis de toute façon, ça se donne bien mal une tête, tu sais, c'est tellement bien rattaché à un cou qui est rattaché au reste du corps. Tandis que l'homme, t'es censé pouvoir vendre ça, mais comment peux-tu vendre quelque chose qui peut pas se voir? C'est une incompréhension incompréhensible, vous comprenez? Tu sais, il y a des choses de même qui arrivent, pis y a rien que tu peux y faire. Le hasard, c'est hasardeux, cette affaire-là. Exemple, tu sais, l'hiver, fait quand tu. C'est l'hiver, pis neige, fait que tu pèles ton char pour finalement te rendre compte c'est même pas le bon. Esti, ça a l'air de rien, esti, mais ça a l'air de rien ce que je dis, mais probablement que vous pouvez faire confiance à votre feeling. Parce que c'est pas parce que quelqu'un parle, tu sais, ou il est en train de dire quelque chose, ça veut rien dire. Parce que les mots, ça se lance bien à l'aveuglette, t'sais. Tout dépend de l'ordre dans lequel tu décides de les mettre. Tu peux mêler les lettres ou ça à l'intérieur d'un mot, sauf que là, t'es même pas capable de le lire. Fait que, tu sais, pourquoi tu perds ton temps à brasser à sa coche, là? Mais, tu sais, voyons, si je voulais en venir avec tout ça. Ah, fuck off, mangeons tout de la marde. J'ai pas compris grand-chose, moi. Mais je parlais de rien, man. Ouais, c'est non, mais c'est parce que tu regardais les photos d'Annie Dufresne dans le summum, c'est pour ça que t'as pas compris. Parce que si t'avais porté attention, t'aurais compris le sous-message sur la société de consommation dans cette période de dépression. Tu vois, lui non plus, il a rien compris. Il y a plein de monde hein, dans le summum. Il y a plein de monde dans le summum. C'est vraiment la phrase préférée de la journée. Un pingouin qui se prostitue. Hey, c'est quoi qu'on écoute, là, Étienne? Là, c'est les Charlots qui chantent Psychose toujours. C'est ce que m'inspirait la chronique de Pred cette semaine. C'est beau, ça, t'as closé ça avec une autre affaire. Hey, je mets une petite toune de 2 minutes, puis après ça, on déboule vers la fin. Là, il reste quoi? Il reste Bruno avec des... Ah, mais moi, je peux garder mes affaires pour la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, on parle de lutte. Ah oui, la lutte. Ben non, la lutte et les chevaliers de colons. Vas-y, parle de les Charlots, là, puis Psychose. Ah, tout de suite, OK. Donc, après, en fin de semaine, j'ai été à la lutte, comme j'y ai déjà été. Je vous en avais parlé, voilà, 1 an et demi, à peu près, ou 2. Vous en rappelez? Vous en rappelez? Étienne Forêt, il avait tout tapé le texte que j'avais fait cette journée-là. En effet. Tout à fait. Je m'en souviens très bien. Donc, j'y ai été, mais j'ai plus compté. À place d'avoir du fun, j'ai été vraiment très triste parce que j'ai vu beaucoup d'enfants laissés à eux-mêmes. Pour de vrai, là, j'avais des enfants qui demandaient de l'attention de leurs parents, puis ils disaient papa, papa, papa. Puis là, les parents qui n'écoutaient pas en faisant des signes de votant avec leurs bras. Parce que les parents me jasaient à moi pendant ce temps-là et ils me disaient « Vous saviez que le combat là, entre Vlad et Black Thor va être reporté parce que Luigi est rendu d'un bad. » Fait que là, ça m'a mis vraiment à terre. Je comprends. Mais à part ça, les jeunes avaient beaucoup à m'apprendre cette fois-ci parce que j'applaudissais quand les lutteurs rentraient et ils me disaient « C'est quoi, tu prends pour les méchants? » Puis je me suis fait expliquer qu'il y avait une porte que les méchants rentraient par deux. Puis une porte pour les gentils. Okay. Ils m'ont joint tout en arrière. Ils m'ont aussi, ouais, c'est ça. Ils m'ont aussi expliqué tout qui était méchant, qui était bon. Ils connaissaient le nom de tous les lutteurs parce qu'eux autres, ils vont à chaque semaine. Puis si tu vas à la lutte de sol d'église à chaque semaine, tu peux suivre la trépidante histoire téléromanesque qui se passe là-bas. Ouais, parce que ça se développe là, d'une semaine à l'autre. Luigi est rendu des bad, man. Luigi est rendu des bad. Luigi, c'est le boss, puis il lutte plus parce qu'il s'est cassé à la jambe. Mais il tourne tout le temps autour du ring pareil en boitant. Pierre-Sœur, il rentre dans la porte de gauche. Oh. Depuis 3 semaines. Donc, quand il était dans les gentils, il avait promis un combat justement de Vlad contre l'autre. Mais là, vu qu'il rien ne va plus. Fait que à place de s'occuper de son jeune, le monsieur me contait ça. Puis j'ai vu beaucoup de jeunes m'en engueuler, pas de parents, tu sais, parce que tu sais c'est gratuit pour les enfants, fait que sûrement que les parents les laissent aller, c'est comme une soirée pas de gardienne dans le fond. Ben oui. Puis des jeunes qui disent « Ta gueule, crise de nègre, grosse vache, t'aimes-tu ça si c'est ton suçon? » Puis ça a genre 8 ans, de 5 à 8 ans, là, pas de parents. Là, c'était... C'est à quelle heure, un samedi soir? Ça? C'est samedi soir de 7h30 à 11h. Ah, tabarnak, hein? Quand même, hein? Grosse soirée. Super trash. Fait que tu dis que c'est des bonnes gardiennes, là? Ah oui? Ouais, ben les lutteurs, en même temps, je trouve ça noble de faire ça, ce qu'ils font, parce qu'ils font surtout ça pour les enfants. Ils font sûrement pas grand argent, là. T'as comme, il y avait comme à peine 30 têtes payantes dans le tas. Ouais, mais si tu vois c'est quoi ça donne s'ils font ça pour les enfants. C'est ça, ben non, ben... Chien vache, grosse salope! Ben, des fois, peut-être qu'ils sont mieux là que chez eux, ces enfants-là. Ah, bon point. C'est ce qui m'amène à la passe plus bizarre de ma soirée. T'sais, j'ai amené ma nouvelle date là. En fait, c'est ça. J'ai dit je t'amène à une sortie surprise. Je l'avais pas averti avant. Elle n'a pas été déçue. Elle en a eu pour son argent. Donc, on fume une top dehors. Puis là, il y a un flow. Mais pas vraiment. Il y avait 18 ans. Je l'ai confirmé par la suite avec mes recherches Internet. Il nous jase, puis là, on lui demande qu'est-ce qu'il pense du combat de ce soir, et il nous dit, il bégayait en plus, donc il nous dit, ouais, moi, tu veux savoir mon avis, moi, si je monte sur le ring, là, il n'y aura pas une crise de face site, il n'y en aura plus une, moi, je vais être en tag team avec Big Fat Seb, puis ça va brasser. Fait là, c'était vraiment bizarre. Puis tout défaire les faces, man. Aussitôt qu'on est rentré, en plus, il a été se faire prendre en photo avec Big Fat Seb, Ça rajoutait au propos, là. C'est cohérent, en tout cas. Chris. Puis là, il nous dit tout après, voyons, je reviens d'une initiation. Fait là, une initiation de quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu veux commencer à faire de la lutte pour de vrai? Non, je reviens, chevalier de colon. Je me suis fait initier. Là, il nous montre son crest toute faite, toute frais, là. Puis là, on est comme, OK, cool, ouais. Puis c'est quoi l'initiation? Ah, je peux pas le dire, il peut pas le dire. Non, non, c'est secret. Ouais, c'est super secret, là. C'est précieux, précieux, là. Puis il nous l'a dit, hein. Vincent, il savait qu'il y avait une chèvre, tu viens de le dire, ouais, toi. Il y a une chèvre, effectivement. Mais là, il a dit, non, c'est un book. Puis là, qu'est-ce que vous faites avec? Ah, on peut pas le dire. Parce que si jamais il y a un membre de la confrérie qui m'entend, là, ils vont m'arracher mes badges, puis je pourrai plus jamais avoir rien à voir à faire avec cette institution de droite qui fait revenir. C'est le grand chevalier de colon, le chevalier suprême qui s'appelle, il fait pas mal d'argent, puis le reste du monde font du bénévolat. Là. Yeah! C'est ça. Il prône la fraternité. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer là-dedans. Faut que tu aies 18 ans. C'est super. Prône la fraternité, mais les femmes ont pas le droit. Mais faut... Non, c'est ça. Puis les femmes peuvent participer en suivant leur homme, donnant les collègues de fond. Ouais, puis dans les petits soupers aussi. Puis en se déguisant en book une fois de temps en temps aussi. Ouais, la réponse du book, on le sait pas. Mais. Est-ce que j'ai cru comprendre? Mais là, j'ai... tu sors du book à l'âne. Ouais. Oh. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'Internet sur les chevaliers colons hier. Puis dans le fond, ça a l'air super plate, de un. Mais de deux, l'initiation serait en vrai une série de petites épreuves, dont sauter par-dessus une chèvre et des mises en situation, certaines vraies, certaines fausses, avec des acteurs. Puis à la fin de la journée, tu découvres. Qui mentait puis qui disait la vérité. Ah, c'est puis... comme une grosse surprise avec des animaux, finalement. Ouais! Bon, cool. À peu près. À y sauter par-dessus une chèvre. Puis des bandeaux, puis des poids, puis... T'es sûr t'as pas lu des motos? Non, bandeau. Mais là, je sais pas. C'est pas sauter que... une chèvre. J'ai plus vu ça aussi sur des sites de questions, genre là, j'aimerais bien savoir c'est quoi l'initiation des chevaliers colons, puis là, il y a plein de monde qui répondent. Il y en a qui répondent crise de pédé de câble. C'est ce genre de site-là. Ça, c'est les plus constructifs. Ouais. Hey, mais tu parles de lutte aussi, c'est quoi? Y a-tu un réseau underground? Il me semble la dernière fois qu'on avait checké, c'était pas à tous les mois. C'était non, mais là, paraît qu'il y en a à plusieurs places à Montréal. Puis vendredi prochain, vendredi le 2-3, je pense, c'est ça, ou l'autre d'après, je me souviens plus, mais en tout cas, il va y avoir deux galas défilés, puis là, toutes les fédérations se ramassent dans le même sous-sol d'église, un des prochains. Là. Fait qu'il va y avoir la FLQ, la ICW, la New... Elle, c'est la plus nouvelle, fait qu'ils sont appelés la New. Ouais, ça va l'air qu'est-ce ça, que tu penses que Vlad va faire comme bid factible si jamais l'UJ revient avec Corona? Il va faire une sacrée clé, hey, man. Je sais pas. Le temps qu'on t'aime, ça me fait la gueule. C'était bizarre. Il y en avait un qui était tapette, un lutteur tapette, puis là, il y a un Flo qui me dit... Hey, fais attention, lui, c'est une tapette. Il est gentil, puis il est fort, Steve, mais s'il te pointe, là, il va te faire un striptease. Là, j'ai dit, as-tu déjà fait un à toi, tu sais? Là, il m'a dit, non, il prend juste les adultes. Oui, mais les enfants sont il m'a traité d'adulte! Aïe, aïe, hein? Hey, ça doit bien être la première fois que t'es considéré comme un adulte. Et la première fois que je suis considéré comme tel et que je me sentais comme tel. Ouais, c'est vrai. T'avais pas le choix. C'est la maturité qui rentre, ça, Israël. Hey, ben, à l'entraque, t'es allé jouer à sa graine sur le stage? Non, non, mais avec j'ai joué Steve. À sa graine chez Predge hier. Puis je m'étais écrit enfant, ça graine. Ouais. Il est content. Je sais pas s'il y a une loi contre ça. Non, j'aimerais ça quand tu parles de ta graine que t'arrêtes de me nommer, s'il te plaît. Ouais, ça fait deux fois que c'est associé. Deux fois à une heure et demie, là, c'est assez. OK, ben je vous remercie pareil, mais les chevaliers colons, je pense que faudrait investiguer plus et vraiment connaître le rituel d'initiation. Ben, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer une taupe. Une taupe, oui. Mais pareil, hey, ça prend du temps. Il faut qu'ils t'acceptent comme dans leur coup. Ben, pareil que ne rentre pas Bruno Melodière. Ne rentre pas dans les chevaliers de colon qui veut. Non, mais ben, c'est ça. C'est pour ça prend une taupe là, tu sais, qui est capable de faire la gendarme puis jouer le rôle. T'as l'air de te connaître, toi, Étienne. Ben, moi, je peux pas, mais je suis un peu déçu. Mon père était président des chevaliers de colon de Robertval. Alors, on enchaîne à la chronique. J'ai une table de Ouija chez nous. Ah ah. On a tout ce qu'il faut. Et on pourrait aller prier. Étienne, pars quelque chose. N'importe quoi, là. Ouais, ben, c'est comme d'habitude. Je vais faire quelque chose qui m'a été donné par Israël, justement, la semaine passée. Oh, oh. Qui s'appelle le tam-tam des gorilles. C'est un import. C'est un import et c'est excellent. Ça vient de France. Et ça a été fait en 85. Et ça sent bon, la chanson fantaisiste française des années 80. C'est cru déjà là, ça. Monsieur Boabaye au bord de l'eau, les macaques tapent le carton. C'est l'hippopotame flamme. C'est pas encore du tam-tam, en chiffon. Non, c'est plus loin. Un pan de pape se pavane. Bonjour, monsieur Lyon. Les week-ends en jungle, c'est sympa. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça se passe dans la jungle. Tous les zèbres se baignent en Bermuda. Ouais. Entend son gazon en chantant. Mais la jungle, c'est genre comme un genre de parc safari en France, là. C'est ça. Est-ce qu'on serait heureux vraiment s'il n'y avait pas le tam-tam des gorilles? Qu'est-ce que c'est une fois le tam-tam des gorilles? Par exemple, la toune a comme viré de bord. Ben oui, justement. Elle vient comme dark. Ouais, c'est plus evil, c'est de même. Parce que l'histoire de ça, c'est que dans la jungle, tout le monde est bien, puis c'est relax. Sauf quand il y a le maudit tam-tam des gorilles. Puis on serait mieux s'il était pas là. Fait que ça, c'est le propos central de la chanson. Puis finalement, ben, c'est le genre de disque dont la pochette est nettement supérieure à la toune. Parce que la pochette est incroyable. Malheureusement, personne ne peut la voir à la radio, puisqu'on n'a pas la couleur. Mais si vous pouvez trouver ça quelque part, allez la voir, puis dites-vous que c'est mieux que ça. Sinon, il m'avait aussi donné un magnifique album de la chanson thème du carnaval de Landrienne. J'ai déjà fait ta fête à Landrienne. Ah oui, Landrienne, ça fait des années que je veux l'entendre, ce tune-là. Ben, regarde bien, je t'ai fait jouer tout de suite. Par Nuance, par Julie Chose? Par Julie Dubois. Ouais. Encore. Tu vas-tu mettre la version Nuance après? Ouais, après. Tout le monde. Ça veut pas le carnaval de Landrienne, là, c'est des petites couches de des courses de cochons graissés, puis ouais, des affaires de main. Ça jette des carrés avec une vache qui va chier à un moment donné, là, puis pas mal ça. Des tracteurs qui tirent des affaires, d'un pis de démolition. Crème glacée, vanille, chocolat ou twist. Ben, la meilleure poutine que j'ai jamais mangée, c'était au casse-croûte à Landrienne. Ah. Ah ouais. Voilà. Les patates étaient sucrées. C'était fou. Ça, capoté, man. Penses-tu que, penses-tu que ça marche encore, la patate à Landrienne? Non. Ça ne va pas. J'ai été voir ma grand-mère au HLM la dernière fois, puis c'était pas mal moins hot que je me rappelais. C'est souvent le même, hein? Est-ce que t'as eu le bleu des regrets? Ouais, de l'autre côté de l'album, il y a la version de Nuances, mais ça, j'ai été un peu déçu. C'est pas les Nuances qui chantaient Vive dans la nuit. Ah non! Parce que, gars, c'est un gars qui chante, c'est pas Sandra Dorion. Peut-être que des fois, c'était pas Sandra qui chantait. Ben, j'ai fait quelques recherches, puis j'ai rien trouvé pour les associer à ça. Mais peut-être qu'ils essayent de s'en dissocier, ça serait compréhensible. Mais d'un autre côté, ils essayent pas de se dissocier, de vivre dans la nuit. Fait que, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ben, sinon, il faut qu'ils redonnent le Félix. C'est ça. Exact. Voilà, fait que ça, c'était mes cadeaux d'Israël que je vous livre maintenant. The gift that keeps on giving. Bonne fête, Étienne. Ouais, merci, ça. C'est un plaisir. Moi, j'ai un bois. C'est vrai. Ah, puis c'est vrai, je l'ai pas dit, là, mais hier, en fait, c'est samedi soir, on a trouvé, en revenant chez nous, un gros panier d'épicerie, là, tu sais, un full-fledged, là. Ah, ouais. Ah, ouais, la version familiale. Le Hummer, là. Ouais, ouais, le Hummer des paniers d'épicerie. Fait que là, ça fait 2-3 jours que j'ai un panier d'épicerie dans ma chambre. Puis ça prend de la place pour rien. On l'a rempli de coussins, là, c'est le trône, là. C'est une très belle découverte. Puis on l'a nommé, là. Vous pouvez deviner comment on l'a nommé. Bill Baxter. Évidemment. C'est comme basket. Ben oui. C'est comme basket, mais c'est Baxter. Ouais, ok. C'est pareil. Ça aurait pu être Bill Basker. C'est ouais, pareil. Là, qu'est-ce qu'on fait là? Me semble, il reste 10 minutes. Fait que là... Ben moi, j'ai encore une partie de texte à lire. Il reste deux nouvelles à Bruno. Ouais. Bon, ben, gamin, un autre tourne, Étienne, puis on va écouter les deux nouvelles à Bruno. Puis après okay. Ça, on va finir l'émission, puis après ça, je vais mettre mon dernier bout de film, puis on va tout être parti au brouhaha. C'est bon. Ben là, c'est la semaine 5. Tes amis viennent-tu au brouhaha? Ben oui. Époustouflant. C'est fou. On en vire une tabarnak? Mais ça. Splendide. Fait que c'est la semaine 5 qui commence aujourd'hui, fait que je vous fais jouer à tirer du long jeu le tape-tambour. Pas que tu es mon ami. Oh, shit. Le tape-tambour, là, c'est fort. C'est intolérable. J'avais dit que je voulais ressortir à Pâques, fait que voilà. C'est pas de suite, Pâques. Ben, c'est dans la semaine 5. Ah, Étienne tient parole. Ouais. Malheureusement pour nous. D'accord, alors pour enterrer Tape Tambour avec leur toune sur Pâques, je vais faire mes deux dernières nouvelles. On y va avec un bloc violence juvénile. Alors, un adolescent de Winnipeg ne voulant pas que sa mère conduise sa voiture seule a décidé de prendre ses clés et de les mettre dans son manteau. Une dispute a alors éclaté entre les deux, ce qui a mené la mère à se sauver avec le manteau de son fils de 14 ans. Le fils a alors fait ce que n'importe qui de sensé aurait fait, il lui a lancé un couteau, la poignardant au dos. Ah ben la femme est à l'hôpital, sa condition est stable et le fils a été accusé de voies de fait graves. Voilà. Et on continue. C'est les mêmes petits jeunes qui se tiennent à la lutte le soir. À Winnipeg. À Winnipeg. Waouh, ouais. Les nuits sont longues. Et vers 21h30, mercredi dernier, une fillette de 11 ans et son frère de 7 ans ont commencé à se disputer à savoir qui allait utiliser une certaine chaise dans leur salon de Okaloosa, en Floride. Le père a tranché en envoyant sa fille en punition dans sa chambre. Le père s'est alors installé dans le couloir afin de s'assurer que sa fille ne tenterait pas de s'évader. La fille a décidé de lancer un revolver jouet sur la tête de son père, causant des lacérations au scalp et le faisant saigner. Elle passera en cour juvénile pour violence domestique le 5 mai. Oh, wow! Fait que là, le père est allé se plaindre un coup que c'est arrivé. On dirait ben. C'est parce qu'il y a comme un gap, là. Uh-huh. Hey, ma fille, là, c'est moi qui domine, fait que là, on va appeler la police pour t'apprendre l'autorité. Ouais. Ça apprécie. Bravo, mon grand. Ouais. Il y en a qui comprennent plus vite que d'autres. Fait que cette fille-là, c'est quoi? C'est une future porn star? Ou... Elle a 11 ans. Fait que... elle a le temps de grandir. C'est pas que j'haïs mon père, c'est qu'il est con en tabarnak. Prospect 2016. Aïe. Bon, c'est la fin de l'émission, les amis. Vous allez prendre vos affaires, vous levez. Ah, c'est vraiment procéder. Une belle tune de fin en plus. Elisabeth, merci beaucoup. T'as été la muse de tout le monde. Kate en background, c'était Marie-Ève. Marie-Pierre merci, et Mathieu amis. En arrière. Ils sont restés jusqu'à la fin, bravo. Ben oui, Étienne, Predj, comme d'habitude. Bruno, Evelyne, la magicienne. Profitez-en, t'es pas à la radio avant 3 semaines, toi. Oui, salut! Tu vas nous appeler de Niagara, l'endroit où il y a des hélicoptères. J'essaierai de vous faire écouter le doux son des hélicoptères qui atterrissent. Je tenais à dire en honte que Evelyne, tu vas vraiment me manquer. Ah, oui. Elle va tous nous manquer, là. Sois pas égoïste, Israël. Ouais, moi aussi, je veux la manquer. Bon, je baisse vos micros, là, puis je m'occupe de mes affaires. Au revoir, la semaine prochaine. Blablabla. Donc, sinon, on est face à un pépin mairie. Le duo de réalisateurs le plus douteux de tout l'Amérique du Nord de tous les temps. À eux seuls, ils ont développé, ou plutôt exacerbé, ce style de cinéma qui est le direct en club vidéo d'action. Leurs armes principales pour ce faire furent un cast d'acteurs meilleurs combattants que comédiens, le plus possible de ralenti, la vampirisation de séquences marquantes. Dans Force T, vous pouvez remarquer les cyborgs dans le poste de police, ça ressemble pas mal à quelque chose. Aucune retenue quant aux citations clichés. Utilisation abusive du feu et de ses autres dérivés, et la petite cerise sur le sundae, au moins une paire de boules par film. Chez douteux.org, Pépin et Mairie sont un peu vus comme des avatars. Avant leur découverte, on concevait que plein de cash pouvait se perdre avec du cinéma bas de gamme. Après leur découverte et la complétion du puzzle de leur œuvre, on ne comprenait pas comment autant de cash avait pu se perdre dans du cinéma bas de gamme. Notre relation avec Pépin Mairie est également des plus vieilles que l'on entretient avec le produit douteux, en ce sens que l'on découvrit le dynamique duo quelque part dans les années 90 grâce à Hologram Man, film dans lequel Evan Lurie joue le rôle d'un cyborg hors la loi. Puis avec l'avènement du coming out général que fut Roboflick 1 suivi de Roboflick 2, on devint des fans invétérés. Aujourd'hui, ces deux gars inspirent beaucoup mieux le gaspillage de temps, d'argent et d'explosifs que tout ce qui peut venir à l'esprit de qui que ce soit. Dernière séquence pour ce soir, ça va être à la 33e minute. Je vais tout placer ça tantôt. Je vous laisse et dans ta bulle juste après. Merci. Bah. Bonjour, docteur. Mandragora, Adam, Cain. Asseyons-nous. Le docteur Gant vient d'arriver. Bonjour, Adam. Gora. Cain. Zeus. Jonathan, où est Athens? S'il vous plaît, dites-nous où est Athens. Le pauvre Athens. Il est... Il ne reviendra plus jamais parmi nous. Qu'est-ce que vous entendez par plus jamais? Mais pourquoi vous dites ça, docteur? Il a subi de graves dommages. Pourtant, j'ai tout essayé. Il est mort, c'est ça, docteur? On est mortel, alors? Oui, en effet. Mortel. Ce n'est pas ça qui vous embête, Jonathan. Il y a autre chose. C'est exact. J'ai parlé avec le maire et avec le préfet de police. Au sujet des otages qui ont été tués. Et ils disent que vous êtes responsable. Nous avions deux ordres contradictoires. Éliminer les terroristes et en même temps protéger les otages. Dans certaines situations, l'un doit passer en priorité, non? On est obligé de prendre une décision. Tu as raison, je le sais très bien. Seulement, le maire et le préfet croient que vous avez pris la mauvaise décision. Et vous pensez qu'ils pourraient nous en vouloir? Oui, ils vous en veulent. Ils voudraient que... Enfin, ils ont ordonné... votre élimination. Alors, ça veut dire que, comme Athens, nous allons cesser d'exister? Nous allons mourir. Le monde ignore que l'on va détruire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes supérieur à tous ces robots serviles. Vous êtes... les messagers de l'avenir. Jonathan, j'aimerais vous poser une question. Je t'écoute. Croyez-vous que l'ordre d'élimination contredise nos directives? Quelle directive? Autopréservation. Exact. Ça les contredit. Oui, ça les contredit. Mais cet ordre émane de vos supérieurs, c'est... Nous sommes obligés d'obéir à l'autorité. Obéir à l'autorité, dans ce cas, revient à renier la loi d'autopréservation. L'autopréservation n'a-t-elle pas été programmée par l'autorité? L'autorité se contredit sans aucun doute. Jonathan est celui qui nous donne les ordres. Et nous devons obéir à l'autorité. L'autorité ordonne notre élimination. L'autorité est une menace pour notre existence. L'autorité est corrompue. Jonathan... êtes-vous de ceux qui menacent notre existence? Maintenant, ça suffit. Ne cherche pas les complications. Directive, éliminer ce qui menace notre existence. Directive, obéir à l'autorité. Directive, autopréservation.